J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En direct de la Maison Ronde, du studio numéro 1, et en ouverture de tous les rendez-vous scientifiques de la semaine, aujourd'hui bien sûr Continent Science, et bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, notre invité est Lionel Nakache. Nous avons le plaisir de le recevoir. Il est neurologue, neurobiologiste, on va dire. Les choses se découpent. Autant bien décliner les spécialités que renferment les sciences du cerveau. Il est professeur de médecine à la Pitié-Salpêtrière. Et le prétexte de notre rencontre aujourd'hui est un extraordinaire exercice d'extrapolation. Je n'utilise pas le mot exact encore. Je le laisse un petit peu en suspens puisque ça formera presque un concept. Un neurobiologiste extrapolateur que nous avons rencontré. Mais, pour respecter bien sûr nos habitudes, tout de suite, la chronique animalière. Cette chronique animalière aujourd'hui, je retiens la coccinelle. La coccinelle. Plus exactement, la coccinelle asiatique. Présente aujourd'hui sur tous les continents, elle tient son nom de son aire d'origine. Japon, Chine, Corée et Russie orientale. Cette espèce est toujours célèbre pour les invasions massives et les cas d'invasion massive qu'elle a provoquées. Initialement, elle a été utilisée dans les années 1910 en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, puis en Europe, pour contrôler les populations de pucerons dans les serres. À la fin du 19e, Harmonia axyridis est soudainement devenue envahissante dans une grande partie du continent américain, puis dans l'ouest de l'Europe et en Afrique. Dans les zones envahies, elle se substitue aux espèces natives et elle perturbe ainsi considérablement les écosystèmes. Pour essayer de comprendre ce brusque comportement invasif, des chercheurs ont étudié l'évolution du cannibalisme chez cette coccinelle dite asiatique au cours de son invasion. En effet, le cannibalisme comporte comportement largement répandu chez les insectes et lié, c'est vraiment très étrange, au profil génétique des individus. L'ampleur du recours au cannibalisme est variable entre et au sein des espèces et dépend de la densité de la population et bien sûr du niveau des ressources disponibles. Les chercheurs ont comparé trois échantillons de coccinelles maintenus dans des environnements expérimentaux similaires mais présentant des caractéristiques génétiques justement différentes. Un groupe prélevé en France et au Royaume-Uni, un autre groupe composé d'individus natifs eux de Russie et du Japon et enfin un troisième groupe composé de coccinelles, elles, élevées en laboratoire. Dans les trois groupes étudiés, ils ont constaté que le taux de cannibalisme, qui consiste à manger des œufs, était plus grand chez les larves que chez les adultes et augmentait significativement en même temps que croissait la densité de population. Les scientifiques suggèrent alors que les larves, à la différence des adultes, sont incapables de quitter les feuilles sur lesquelles les œufs ont éclos et de partir à la recherche d'autres sources de nourriture. Le cannibalisme semble alors donc une réponse spontanée à une situation de pauvreté nutritionnelle, à la différence d'adultes qui peuvent, eux, plus facilement jeûner. Un deuxième résultat marquant est que le taux de cannibalisme est nettement plus élevé chez les larves invasives qu'au sein de ceux des deux autres groupes. Ces résultats sont en accord avec l'hypothèse d'un avantage procuré par ce cannibalisme lors de l'introduction dans un nouvel environnement. Tout ceci suggère que cette tactique de survie est développée uniquement au bénéfice des larves et lors des phases initiales d'invasion, les taux de cannibalisme étant faibles chez les adultes, et cela dans toutes les populations étudiées, le cannibalisme présenterait alors donc un bénéfice évolutif réel, certain, spécifiquement sélectionné chez les individus envahisseurs de coccinelles asiatiques lors de la colonisation de nouveaux habitats. Voilà une manière de se nourrir pour envahir. Bonjour Lionel Nakache. Bonjour Stéphane Deligeon. Bizarre le cannibalisme, hein ? Ah oui, ça fait réfléchir absolument. Encore une histoire de réseau. Oui, mais le cannibalisme est un phénomène répandu dans le monde vivant d'ailleurs. Puisque certains même s'entremangent entre eux dans le ventre de leur mère. Je pense à certains petits requins. Enfin, passons, on n'est pas là, évidemment, pour parler du cannibalisme, mais de votre dernière proposition sous la forme de cet ouvrage qui est intitulé « L'homme réseau-nable ». Je répète, l'homme réseau-nable. Et avec comme sous-titre du microcosme cérébral au macrocosme social. Alors pour faire exotique, on pourrait commencer par l'image suivante. Et c'est pas rompre vraiment votre intimité familiale. Vous êtes sur une plage, vous vous promenez avec votre épouse. Vous êtes sur une plage, il y a les cocotiers, il y a les palmiers, tout est en place. La mer est bleue, les oiseaux qui le sont là, le soleil est là. Et vous vous dites d'un seul coup, je vous laisse dire le mot, tiens. Mais ça ressemble incroyablement à... À une crise d'épilepsie. Alors, dit comme ça, ça peut paraître un peu surprenant, mais en vous écoutant, je me retrouvais sur ce bord de plage, hein, vous le racontez bien. L'histoire elle-même est un peu anecdotique, mais l'anecdote permet d'abord, c'était vraiment le moment où cette idée en fait a germé, en fait, et le projet de ce livre est né de cette promenade. Mais surtout, je pense que c'est quelque chose qui peut être dont chacun d'entre nos auditrices et auditeurs ont dû faire l'expérience sous de multiples formes. L'idée est la suivante, c'est que vous vous promenez quelque part, que ce soit un lieu de vacances ou un lieu professionnel ou un lieu motivé par quelconque raison de se déplacer, en tout cas. Donc vous changez de lieu, vous déplacez d'un lieu A à un lieu B, et force est de constater qu'aujourd'hui, on a une facilité à se déplacer qui est assez inédite. C'est-à-dire qu'on peut, de manière assez peu coûteuse, avec la massification des transports, etc., développement des trains à grande vitesse, des avions, autrement dit, on peut facilement se déplacer d'un lieu à un autre, comme jamais cela n'a été aussi simple, en termes de rapidité, de coût, de faible risque. Et pour autant, de plus en plus souvent, on peut se faire l'impression, comme citoyen, qu'une fois qu'on s'est déplacé, on n'a pas vraiment l'impression de s'être déplacé parce que le lieu d'arrivée ressemble étrangement, en tout cas partage beaucoup de similarités avec le lieu de départ. Et donc ce contraste initial, cette sorte de contraste paradoxal d'apparence en tout cas, entre un voyage facile mais un voyage qui n'est plus un voyage, j'ai proposé de l'appeler le voyage immobile. Oui. L'expérience du voyage immobile, c'est-à-dire que nous voyageons mais en fait, subjectivement, ça ne ressort plus de l'ordre du voyage. Alors plutôt une sorte de marche sur place en fait. C'est ça, ça rend abstraction de tout l'espace de distance. C'est pour ça que vous mobilisez à un moment Marguerite Yourcenar. Marguerite Duras qui dit il n'y a plus de voyage parce qu'il n'y a pas l'épreuve du voyage et le voyage c'est le chemin. D'abord. Oui, alors absolument. Ouais. Alors je citais Marguerite Duras dans cette interview avec Michel Drucker pour deux raisons. D'abord parce que cette phrase était extrêmement belle, mais aussi pour prendre une sorte de marque aussi, de séparation par rapport à ce que Marguerite Duras soulignait dans ce passage, le fait qu'il y a un temps subjectif nécessaire pour voyager. C'est-à-dire qu'arriver et que le temps du voyage fait partie du voyage, et que dès lors que nos voyages s'affranchissent du temps, c'est-à-dire qu'ils deviennent presque immédiats, eh bien on perd quelque chose. Et ça, j'en suis profondément d'accord, mais ce n'est pas l'objet de ce livre. Ce livre, en fait, s'intéresse à autre chose, non pas directement au temps subjectif du voyage, mais au fait que, objectivement, ce que nous renvoient les lieux sur lesquels nous nous trouvons donne lieu à cette expérience de, en fait, on n'a pas vraiment... Les lieux ont vraiment perdu leur différence. Ce n'est pas simplement que nous perdons, nous, par la diminution du temps de voyage, nous perdons quelque chose de l'expérience de vraiment de ce qu'on veut appeler le dépaysement, mais que même les lieux pris, même si on devait mettre un mois pour aller aujourd'hui de Paris à New York, ou de Paris d'un centre-ville ou un autre, eh bien, à l'arrivée, ces lieux se ressemblent de plus en plus, sous de multiples formes, à la fois des formes architecturales, mais également des formes de structures d'urbanisme ou de lieux communs, ou bien même des relations sociales qui convergent sur des relations de plus en plus similaires. Donc toute cette similarité du monde, c'est ça qui m'intéressait initialement, c'est ce paradoxe entre on voyage facilement, mais on ne voyage pas parce que le monde devient de plus en plus indifférencié. En tout cas, ce n'est pas un jugement total, c'est un jugement relatif. De plus en plus souvent, on se fait cette expérience. Oui. Alors, évidemment, on retient le terme de voyage immobile. Oui. Et évidemment, maintenant, alors tout à l'heure, pour pas utiliser le mot, j'ai mobilisé extrapolation, mais bien sûr, là, il y a un ressort permanent et aussi une sorte de de prise de position assez courageuse, enfin, parce que on sait les risques de l'analogie. Et donc là, on va être sous le fil d'une analogie entre le micro et le macro, microcosme, macrocosme, et évidemment entre une situation mentale très très pathologique et ce qu'il peut en être du sociétal, de l'organisation des sociétés, des individus vivant dans les sociétés, et donc on va jouer de ce changement d'échelle. Alors, ce qu'il faut, et de toute façon c'est un bon rappel, on peut peut-être expliquer d'abord que ce que c'est que un cerveau, très rapidement, et en particulier dans ses connexions neuronales, avec un certain nombre de définitions. On peut commencer par là. Oui, ou peut-être même juste avant de plonger dans le cerveau, peut-être pour bien rendre la raison de plonger dans le cerveau. C'est, oui. C'est pas uniquement parce que je m'y intéresse, c'est parce que lorsqu'on commence à réfléchir à cette notion du voyage immobile, macroscopique dans le monde dans lequel nous vivons, eh bien on tombe assez facilement sur les trois concepts suivants. C'est quand on voit un monde dans lequel la communication physique ou numérique est de plus en plus favorisée, de plus en plus facile, donc une augmentation de communication entre des lieux, et des lieux qui se mettent à avoir une communication qui devient de plus en plus stéréotypée, appauvrie, avec une perte de différence physique ou abstraite entre ces lieux. Et donc c'est en formulant en fait ces trois concepts un peu abstraits qui sont l'hypercommunication, la stéréotypie ou l'appauvrissement de la communication et la perte de différenciation entre les lieux, que ces trois idées en tête, c'est là qu'en fait le déclenchement vers le cerveau apparaît. C'est que moi, comme neurologue, c'est quand on me demande est-ce qu'il y a une situation dans le cerveau où lorsque le cerveau se met à fonctionner selon ces trois attributs de manière simultanée, oui. Et est-ce que ça existe ? Ça existe, ça existe dans un cadre non pas normal mais pathologique, et c'est ça la crise d'épilepsie. Et c'est ça, je pense, le point d'ancrage de l'analogie entre le microcosme du cerveau et le macrocosme social. C'est vraiment le fil par lequel l'analogie passe, et à partir de laquelle on peut voir si cette analogie peut se déployer ou rencontre certaines limites, évidemment, aussi. Bien sûr, c'est pour ça que au détour de notre conversation, on va rencontrer la crise d'épilepsie sociale, les citoyens soumis à l'épilepsie oui. sociale ou communicationnelle, ainsi de suite. Donc, si vous le voulez, bien maintenant, sûr, revenons bien sûr, à cette machinerie plonger, d'ailleurs. Alors, le cerveau, il y a évidemment mille façons d'en parler. Peut-être la façon qui est peut-être la plus adéquate pour l'exercice auquel on veut se livrer là, c'est de commencer par parler de le type de réseau dont il s'agit. Oui. Donc, c'est un réseau singulier. Et quand on dit souvent que le cerveau est l'objet sans doute naturel le plus complexe qui existe, hein, on dit souvent cela, que nous connaissions, en fait, ça s'ancre dans les propriétés du réseau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on considère qu'il y a à peu près, grosso modo, évidemment, 100 milliards de neurones dans un cerveau adulte humain. 100 milliards ? 100 milliards. D'accord. Oui. Et 100 milliards, et que chacun de ces unités codantes, que sont les neurones, est connecté à 10 000 neurones à peu près. Donc si vous faites attention à cette combinatoire un peu vertigineuse des 100 milliards fois 10 000 neurones, et vous traduisez ça en termes de synapses, c'est-à-dire de communication physique, d'échange de communication entre des cellules nerveuses, vous arrivez à des nombres abracadabrantesques qui sont et qui nous permettent de voir qu'effectivement, vu comme ça, cet objet dans lequel on peut réduire le neurone sous l'angle qui nous intéresse aujourd'hui à une unité codante qui est soit au repos, soit qui s'active. Et quand elle s'active, elle envoie un signal qu'on appelle un potentiel d'action qui va se traduire par la libération de neurotransmetteurs à ces points de contact que sont les synapses. Eh bien, si on voit, voilà, on a 100 milliards d'unités qui sont en deux états, repos ou potentiel d'action, repos ou action, et qu'on a ce réseau qui, en fait, à toutes ces synapses, permet de définir un état du réseau, comment sont chacune des unités, et qu'à chaque état du réseau correspond un état cognitif, un état mental, on voit assez vite qu'on a affaire évidemment à un réseau encore plus complexe que celui des lignes de la SNCF ou que des lignes de voyage aérien par exemple ou d'autres réseaux plus simples que nous connaissons au niveau social ou sociétal, disons. C'est ça, parce que ce qui se passe dans ces synapses, hein, c'est en particulier, donc vous donnez le chiffre, 5 milliards donc, de synapses, 1 million de milliards de ce que vous allez appeler le voyageur, on va expliquer ça tout de suite, qui donc sont en circulation. Pour des raisons didactiques, reprenons à nouveau la chose. On part donc, bien évidemment, d'un neurone, c'est une cellule, voilà. qui est d'un type particulier. Et je trouve ça d'ailleurs absolument magique, simplement l'opération biochimique qui s'y passe est biochimico-électrique. Hein. Absolument. Petit rappel, hein, donc là encore, on recommence l'examen pour voir si j'ai bien étudié ma leçon. Mais je crois que c'est important que les gens aient une bonne représentation. Donc, un neurone, c'est donc une cellule, et qui est entourée de très très nombreuses dendrites, et qui sont, elles, ces dendrites, qui peuvent être très longues, en particulier certaines de ces dendrites peuvent faire, je ne sais pas quelles sont les plus longues. Alors, surtout, ce qui va être très long, c'est l'axone. En fait, oui. C'est le prolongement axonal qui, lui, évidemment, ça. Quand on prend l'exemple, par exemple, des neurones moteurs, les neurones pyramidaux, qui sont en fait vraiment au niveau du cortex, donc vraiment sous le crâne, certains vont innerver, par exemple, les membres inférieurs, donc vont cheminer dans la moelle épinière, donc certains font évidemment plus d'un mètre, la queue de ce neurone, cet axone. Et puis d'autres ont des axones beaucoup plus courts, hein, ou quelques centimètres, etc. Mais vous avez effectivement en fait un neurone de manière classique, donc il y a le noyau du neurone, il y a le corps somatique qui entoure en fait la portion de membrane qui va entourer un peu le noyau, il y a l'arbre dendritique, au sein duquel tous les contacts avec ce qu'on appelle les neurones afférents, ceux qui vont envoyer des informations à ce neurone. C'est ça. Et là, vous avez un phénomène qui est assez fascinant, qui continue à exciter la curiosité de mes collègues et de chercheurs, par exemple, au niveau de l'échelle du neurone unique, de l'échelle de l'intégration. C'est qu'en fait, il va y avoir un phénomène d'intégration synaptique, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui revient. Alors, avec les mains, c'est facile à dire. C'est que si vous avez 10 000 contacts, par exemple, certains contacts vont plutôt avoir tendance à accentuer la dépolarisation, en fait la différence de potentiel électrique de l'état de repos, on appelle ça une hyperpolarisation. D'autres vont être excitateurs, donc vont favoriser au contraire une dépolarisation, et que si un seuil est franchi, un seuil est atteint, alors vous avez ce phénomène tout ou rien qu'on appelle un potentiel d'action. Autrement dit, ce neurone qui était silencieux, ne recevait que des bombardés de messages, va passer en mode actif. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il va à ce moment-là propager un potentiel d'action le long de son axone, et tous les potentiels d'action dans tous les neurones sont à peu près les mêmes. Ce sont un déplacement de charge électrique, hein, le long du... Mais par contre, ce qui va être singulier, c'est on pourrait dire les coordonnées spatio-temporelles. À quel moment dans le temps et où dans l'espace ce voyage a lieu, puisque là, évidemment, où dans l'espace, c'est-à-dire quel neurone dans le cadre du réseau neuronal dans lequel physiquement ce neurone se trouve, et l'état également dans lequel le système se trouve. Eh bien, ce potentiel d'action va, par le biais de l'axone, lui-même donner lieu à d'innombrables contacts avec d'autres neurones, ça c'est l'aspect efférent en fait, et qui va, donc on a en fait, je prends cette métaphore aussi, une autre métaphore, alors c'est dans une période qui nous concerne aussi actuellement, mais il y a une forme de scrutin permanent. C'est-à-dire que vous avez en fait chacun des neurones du cerveau qui fait l'objet d'un scrutin en temps réel, et ces 100 milliards de scrutins en fait vont décider en permanence de qui va être activé, qui va être au repos. Qui va dire ok, qui va pas, et qui va dire non, niet, voilà, si on peut dire. Alors ce qui est étonnant, c'est que évidemment le long de ces synapses courtes, donc un flux électrique, on va parler rapidement. On peut le décrire comment ? On peut dire que ce sont des ions chargés ? Ça peut être... Oui, alors là aussi, c'est un domaine en soi. C'est-à-dire que, par exemple, un des points qui compte, c'est le diamètre de la fibre nerveuse va être un des déterminants de la vitesse de propagation de cet influx nerveux. D'accord. Et puis l'autre aspect qui est très important, sans doute plus important encore, c'est ce qu'on appelle la myélinisation. Oui. Et pour l'expliquer rapidement, c'est que si ce courant devait se propager de manière continue, c'est-à-dire que si à chaque millimètre ou chaque même micron de la membrane, il fallait procéder à des échanges entre les ions de part et d'autre de la membrane, à ce moment-là, ça demanderait des coûts énergétiques très importants pour le neurone et un temps de transmission très lent. Par contre, ce qui se passe, une des astuces de la nature, c'est d'avoir inventé de la myélinisation. Autrement dit, c'est l'isolement un peu par ce qu'on appelle des fibres de myéline. L'isolement en fait de la membrane qui va permettre d'avoir une conduction qu'on appelle saltatoire, c'est-à-dire qu'elle va se propager d'un nœud à un autre, on appelle ça des nœuds de Ranvier, voilà. Oui. Et donc ça permet, donc ce phénomène de myélinisation plus la largeur des fibres sont les deux principaux paramètres, ce sont pas les seuls, qui vont déterminer la rapidité. Et évidemment, plus c'est rapide, plus vous pouvez du coup synchroniser des réseaux qui sont à distance les uns des autres dans le cerveau. C'est capital. Oui. Alors on a affaire là à un phénomène donc de propagation électrique pour aller vite. Oui. Et puis d'un seul coup, nous voilà dans la fente synaptique et d'un seul coup, ce qui était électrique va devenir chimique. Oui, voilà, il y a des phénomènes de transduction, absolument. Et donc, c'est toute la magie, entre guillemets, si je puis dire, puisque de ces signaux donc électriques différents, va se passer une petite gymnastique très très spéciale pour transformer ce qui est à l'intérieur donc de la cellule neuronale. On va arrêter le détail de l'observation, mais en tout cas, évidemment, il y a beaucoup de neurotransmetteurs, il y a donc... On voit un monde électrique et on voit un monde chimique à la fois. Qui sont unifiés, qui sont, voilà, comme vous le disiez, c'est de l'électrochimie en fait. France Culture, Continent Science. Stéphane Delisgeorges. Je crois maintenant que, après avoir établi donc cette petite anatomie de cet incroyable circuit et de ses manières, on peut peut-être entrer dans le cadre de cette pathologie parce que. D'une certaine façon, en première approximation, on peut dire que quelque chose d'un seul coup dans cette structure infiniment compliquée composée de 100 milliards de neurones, eh bien quelque chose va prendre le pouvoir. Il y a une région, c'est ça ? Oui, alors c'est ça. Il y a plusieurs types là aussi de crises. Il y a ce qu'on appelle par exemple les crises généralisées, où en fait ce qu'on veut dire par là, c'est que l'essentiel du cortex, en tout cas des régions très étendues dans les deux hémisphères. Le grand mal, c'est ce qu'on appelle le grand mal. C'est un des types. Voilà. Un des types. Ouais. C'est ensuite, évidemment, c'est comme chaque univers, c'est ça a sa propre complexité. Mais pour rester, il y a des crises généralisées et des crises focalisées. Alors les crises focalisées, c'est peut-être les plus faciles à comprendre. Hein. Ce sont des crises qui commencent dans une région particulière du cerveau. Alors cette région peut être dans n'importe quelle région, n'importe quel lobe, par exemple temporal, occipital, etc. Et va se caractériser au début par ces trois phénomènes dont on parlait au début. C'est-à-dire une hypercommunication au sein d'un réseau neuronal, donc ces voyages neuronaux cette fois-ci, non pas les voyageurs humains mais les voyageurs du microcosme, se mettent à trop communiquer, si on peut dire, et que cet excès de communication va immédiatement s'accompagner des deux autres propriétés que nous énoncions tout à l'heure, c'est-à-dire une communication qui, au lieu d'être riche, complexe, va être extrêmement pauvre, extrêmement stéréotypée, extrêmement persévérative, extrêmement prédictible en fait. Et troisième point, c'est que du coup, les différents partenaires neuronaux de cette conversation, au lieu de garder chacun, si on veut dire, leur personnalité, leur singularité, leur spécificité fonctionnelle, eh bien, toutes, par cet appauvrissement et cet excès de communication, vont ne devenir qu'une seule région qui fait la même chose. Et donc, on a ces trois mots-clés. Hypercommunication, appauvrissement de la communication et perte des différences. Eh bien, quand vous avez ça, sur le plan psychologique et comportemental, le sujet, l'individu qui est en proie à une crise d'épilepsie focale, va avoir des perturbations de son fonctionnement cognitif et de son comportement, essentiellement des perturbations négatives, c'est-à-dire que ça va être par exemple une suspension du langage, ou bien des mouvements involontaires, ou bien une perturbation de la vision ou de l'audition, etc. Tout ça, les symptômes vont dépendre de la région dans laquelle se débute cette crise d'épilepsie. Et le point clé, c'est que cette crise, soit elle s'arrête, mais malheureusement souvent elle va s'étendre, et quand elle s'étend, elle se propage à d'autres régions. Vous voyez, comme une sorte de phénomène un petit peu qui, de proche en proche, va embraser tout un système neuronal et parfois l'ensemble du cerveau. Et, oui. Et le point vraiment capital à réaliser, à comprendre, c'est que lorsqu'une crise commence quelque part et qu'elle s'étend, il y a souvent un moment critique au cours duquel le patient qui fait l'expérience de cette crise d'épilepsie va subitement perdre conscience. Et perdre conscience, ça ne veut pas dire qu'il va perdre vigilance, c'est pas dire qu'il va tomber dans les pommes, ça peut arriver aussi, mais le point spécifique, c'est qu'on peut continuer à être debout, les yeux ouverts, avoir des automatismes involontaires, et à un moment donné, perdre complètement conscience de soi-même et conscience de l'environnement. Et c'est ça la perte de conscience, c'est pas nécessairement une perte d'éveil, c'est une perte de ce rapport subjectif, je suis en train de faire ça, il m'arrive ceci, etc. Et par exemple, avec Fabrice Bartholomé, qui est un collègue de Marseille, nous avions suivi de manière vraiment assez fine la dynamique cérébrale de ce qui se passe chez des malades qui avaient une crise qui commençait dans le lobe temporal, c'est un des lobes du cerveau, le plus fréquemment fait l'objet de crises d'épilepsie, et à quel moment ces crises qui au début sont dans le lobe temporal, et on appelle ça des crises simples, parce qu'en fait elles n'ont pas de troubles de conscience, les patients n'ont pas de troubles de conscience, ils se rendent compte de ce qui se passe, et à quel moment subitement ils perdent conscience. Et on a pu mesurer que ce qui se passe, c'est que le moment où le sujet perd conscience, alors qu'il reste éveillé, il n'a plus de regard critique sur lui, c'est le moment précisément où ces trois concepts qu'on énonçait s'étendent quasiment à tout le cerveau, en tout cas à des régions très importantes qui sautent dans l'autre hémisphère. Donc une sorte, comme vous le disiez, ça prend le pouvoir brutalement sur le réseau complexe qui devrait être complexe, différencié, et là on a un réseau complexe qui est appauvri, stéréotypé et qui perd toute différence, et le sujet perd conscience. Et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant, c'est que si vraiment on rapproche la conscience comme phénomène individuel de ses propriétés, c'est-à-dire que pour être conscient, il faut que dans notre cerveau, il y ait une communication à longue distance qui respecte la singularité de tous les partenaires neuronaux, si on veut parler comme ça, qui soit une discussion complexe, cohérente, etc. Eh bien, quand on perd ça, on perd conscience. Et évidemment, à distinguer, vous le faites de façon répétée, du coma. Absolument, parce que le coma, souvent, eh bien, c'est le sujet, évidemment, perd conscience, mais il ne perd pas que conscience, il perd aussi la vigilance. C'est ça. Et on peut peut-être maintenant aborder, parce que je vois le temps tourne et que le menu est chargé, on s'en servira, si je puis dire, un peu plus loin, mais au moment, et là vous mobilisez Dostoïevski, cette fois je ne me suis pas trompé, Fodor de son prénom, et qui parle, qui était donc un des écrivains qui lui a été soumis beaucoup à la maladie, donc à cette maladie-là, à cette pathologie, et qui parlait au début de la crise d'une aura. Absolument, oui. C'est-à-dire que là, on parle vraiment de la période critique qu'on évoquait à l'instant, où une crise commence dans une région du cerveau, Et elle commence dans une région limitée du cerveau et sans donc que le sujet ne perde conscience. Donc le sujet se rend compte de ce qui lui arrive. C'est très important parce que pour lui déjà, il peut en faire usage. Il sait qu'il est en train de commencer à vivre une crise d'épilepsie, par exemple. Mais surtout, il peut aussi faire l'expérience justement d'état interne totalement inédit. Parce que d'habitude, son cerveau ne fonctionne pas comme ça. Et Dostoïevski, parmi beaucoup d'autres, mais en fac de médecine, souvent c'est des citations que j'utilise, etc., où Dostoïevski raconte bien que les quelques secondes, en fait, il a même eu une sorte de dilatation subjective, parce que ces moments-là, on sait mal les mesurer en termes de temps objectif par rapport à ce dont on fait l'expérience, eh bien, il ressent un état extraordinaire et qu'il ne comparait en rien à tout ce qu'il peut vivre la plupart du temps. Donc il y a ces passages, notamment cette citation, où il considère que c'est vraiment une expérience hors du commun, extrêmement précieuse à laquelle il tient et que oui. Ce qu'on appelle l'aura épileptique peut être une source peut-être de créativité parfois. Alors évidemment il n'y a pas que des auras magnifiées, hein, il y a aussi du sentiment déjà vu. Il y a beaucoup de symptômes qui sont... Il y a plein de symptômes. Oui, hein, mais souvent, en fait à l'interrogatoire, ça fait partie des choses qu'en interrogeant un patient ou une patiente épileptique, on peut relativement facilement identifier cela. Pourquoi ? Parce qu'il y a souvent effectivement le déjà vu dont vous parliez, etc., mais sous un mode qui n'est pas le mode quotidien dont chacun peut faire l'expérience, peut-être pas quotidiennement, mais en tout cas assez souvent. Mais il y a également, par exemple, ces phénomènes d'hypersyntonie où le sujet se sent souvent avec un élan, soit une émotion extrêmement riche, positive ou très négative, mais il y a une relation au monde particulière, parfois une sorte d'hypersyntonie, l'impression que vraiment on fait partie du monde, une sorte de vague un peu, vous voyez, d'appartenance océanique un peu à l'univers, d'être en phase avec ce qui se passe, de manière absolument pas normale, on va dire. Et océanique. On peut peut-être dire, vous prenez ça dans de la correspondance de Freud. Et de Romain Rolland, ouais. Et de Romain Rolland, je ne sais plus, c'est Romain Rolland qui utilise le terme d'océanique, hein, qui est repris d'ailleurs dans la lettre de Freud. Et qui va être repris par Freud dans Malaise dans la civilisation. Ouais. Et en fait, mais alors c'est là on brûle les étapes, mais tant mieux. C'est qu'en fait, on commence à décrire un petit peu au niveau microcosmique qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un patient qui fait l'expérience d'une crise d'épilepsie, avec la crise focale qui peut ou pas s'étendre à un réseau plus global et donc perte de conscience, et puis le début de la crise qui peut s'accompagner ou pas, c'est pas toujours, mais de cette aura épileptique, et du coup d'essayer de trouver les équivalents analogiques. Est-ce qu'on pourrait faire usage de ces phénomènes-là au niveau, non pas de l'individu, du cerveau d'un individu, mais du réseau, cette fois-ci, des individus qui communiquent? Autrement dit, est-ce que dans la société, on pourrait développer le concept d'une épilepsie d'une société, cette fois-ci? C'est ça, mais bien sûr qu'on va y venir, puisque on va sauter à pieds joints dans l'analogie, et là, on va remobiliser tout ça. Peut-être, ultime précision avant notre petite pause musicale, Lionel Nakache, c'est de dire que, évidemment, il y a des types extrêmement différent d'épilepsie, que certaines se soignent avec un certain nombre de molécules, avec un certain nombre de produits qui sont très très efficaces, et puis d'autres qui sont très très résistants. Il y a des épilepsies compliquées où on va jusqu'à des implantations donc d'électrodes, c'est bien voilà, ça absolument, hein. C'est encore très travaillé et on ne sait pas tout, puisqu'en plus il y a des épilepsies évidemment, et que heureusement la plupart des patients peuvent être très très correctement soignés, voire parfois aussi guéris, hein, par des mesures d'hygiène de vie, par des médicaments, et parfois, comme vous le mentionniez, mais c'est heureusement pas l'essentiel des patients, mais certains, ces patients qui notamment ont des épilepsies partielles réfractaires, eh bien on peut des fois essayer d'imaginer une solution chirurgicale et qui demande énormément de précautions, comme on peut l'imaginer. Oula, oui, d'abord de savoir qu'on va intervenir de manière adaptée et sans non plus léser le patient. Et donc dans ce cadre-là, il peut y avoir des implantations d'électrodes à visée thérapeutique, évidemment, pour essayer de voir quelle est vraiment la voie de propagation dans ce réseau complexe de ces crises d'épilepsie et voir comment on pourrait ou pas proposer une solution. Et la plupart des grands centres d'épilepsie, hein, j'ai pas le nombre exact, mais en France, il y a plus d'une dizaine de centres comme ça qui vont conjuguer l'expertise d'un neurochirurgien, d'un neurologue, d'un neurophysiologiste, d'un neuroradiologue, d'un neuropsychologue, d'électrophysiologiste, pour arriver à essayer de mettre au point une solution sur mesure. Oui, parce que en plus les niveaux qui surviennent ou qui font survenir grosso modo les niveaux épileptogènes, on peut penser par exemple au sevrage de l'alcool, hein, oui, qui est ou la dette de sommeil. Voilà, c'est ça. Et beaucoup d'autres choses par rapport à ces émotions. Ce seuil stress, épileptogène est très varié, là encore, et mobilise beaucoup de spécialités. Exactement. C'est bien ça. Ouais. Thank you. Et bien voilà, passé le mi-temps de ce rendez-vous de Continent Science, toujours en compagnie de Lionel Nakache, autour de son ouvrage « L'homme réseau-tirénable ». Et nous allons utiliser évidemment maintenant ce moyen de passage qui est justement l'analogie. Absolument. Alors, avec toutes les précautions, je consacre un chapitre à ça, vous le mentionnez, Stéphane, aussi. C'est-à-dire que utiliser un raisonnement par analogie, c'est à la fois quelque chose d'extrêmement précieux. Et en science en général, et pas seulement en science, on a beaucoup d'exemples où le fait d'établir un lien par l'analogie nous permet d'accéder à des compréhensions auxquelles nous n'avions pas accès d'une autre façon. Donc c'est un sublime, disons, artifice, en tout cas superbe méthode pour arriver à développer nos connaissances. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'écueils. Donc j'essaye, et puis de ne pas tomber dans ces écueils, en tout cas d'y faire bien attention. Une analogie n'est pas une démonstration. Autrement dit, je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre au pied de la lettre que l'épilepsie du monde est l'épilepsie du cerveau, pas du tout. Mais j'essaye de voir si on peut décrypter dans ces crises contemporaines qui sont celles du monde dans lequel nous vivons comme citoyens, est-ce qu'il y aurait une paire de lunettes, une grille de lecture qu'on pourrait arriver à développer à partir de cette analogie qui n'est pas fondée de manière un peu gratuite sur le fait que, par exemple, il s'avère que je m'occupe du cerveau, mais c'est qu'en tombant sur ces propriétés qui semblent caractériser certains dysfonctionnements de communication dans le cerveau, il me semble pouvoir en lire des équivalents au niveau sociétal. C'est ça le point de passage, et à ce moment-là, on peut essayer de décrypter, de voir si on peut arriver à faire usage ou pas de cette analogie. Oui. Alors parfois, évidemment, on peut presque dire que l'analogie est comme une métaphore, oui. Et évidemment aussi, même si vous le précisez plusieurs fois, et évidemment avec force, ça n'est pas une démonstration mathématique, une démonstration scientifique, ça n'a rien à voir. Simplement, ça a quelques vertus, voire des vertus heuristiques, et en particulier, on peut mobiliser, alors là, c'est votre discipline générale, mais quand on parle de code génétique, au départ, c'est évidemment une analogie avec la théorie de la communication, en particulier de Shannon, qui d'un seul coup fait que le code, l'organisation génétique est organisée en code, et qu'on voit bien là l'importance cette fois heuristique que peuvent avoir et des métaphores, des figures et des analogies. Totalement, et l'exemple que vous donnez est parfait, parce que c'est vrai que lorsqu'on voit se développer, disons on pourrait dire, dans l'après-guerre, le développement des sciences de l'information et notamment, on va dire, des systèmes biologiques de l'information, et notamment la lecture du cerveau, non pas comme la métaphore informatique, mais en tout cas comme une structure codante, eh bien on va transférer, on va appliquer sur le fonctionnement des réseaux de neuronaux ce que l'on sait sur la théorie de l'information de Shannon dont vous parliez, oui. Et qui va nous permettre d'arriver à, par exemple, à quantifier et à décrire l'activité neuronale en termes d'activité informationnelle. Et ça, c'est évidemment, c'est pas grâce à cette heuristique-là, rentrer dans une manière de décrire l'activité biologique qui peut être parfois extrêmement intéressante. Alors, extension du domaine de l'analogie, ainsi que vous le dites, oui. Donc, Lionel Nakache à un moment. Et pour faire figure, on pourra poursuivre à partir de là, mais pour faire figure immédiate de manière frontale, brutale, oui. Très exemplifiée d'une certaine manière, il y a des situations historiques. Cette fois, quand on regarde donc le macrocosme, où on voit une sorte d'épilepsie sociétale, sociale, comment faut-il l'appeler, marquée, fortement, généralisée. Et évidemment, vous mobilisez là la situation épileptique d'une certaine manière, à la façon où vous pouvez mobiliser l'analogie pour l'expliquer ce que vous allez faire, des deux systèmes complètement fous qu'ont été aussi bien le nazisme que le totalitarisme. Et on le voit d'ailleurs, vous l'analysez évidemment en particulier en termes de situation de communication entre les différents membres de ces sociétés qui ont été secouées d'une sorte de perte de conscience généralisée pour arriver à ce qu'ils ont fait. Absolument, c'est-à-dire qu'au niveau de la structure sociale, ou disons sociétale dans un premier temps, si on cherche des périodes historiques qui seraient caractérisées par cette notion de ce triptyque, toujours hypercommunication, pauvreté de la communication et perte de la différence entre les acteurs, et qui conduirait au fait qu'une société devienne inconsciente, et si on fait l'équivalent avec l'individu, une société inconsciente pour moi, ce n'est pas une société inerte qui ne fait rien, au contraire, c'est une société qui agit, on pourrait dire qui agit de manière extrêmement même efficace parfois, mais qui agit en ayant perdu toute capacité à critiquer ses propres actions. C'est ça. ce qui serait l'équivalent ici de la conscience critique, mais cette fois-ci non pas d'un individu, d'une société. C'est-à-dire une société qui est éveillée, qui est agissante, mais qui n'est plus capable d'avoir une distance subjective, mais à l'échelle cette fois-ci du groupe, hein, pas de l'individu, entre les actions réalisées ou commises et ce qu'il devrait faire, ce qu'il ne faudrait pas faire, etc. Dès qu'on commence à se poser des questions comme ça, effectivement, il ne faut pas beaucoup de temps pour tomber sur ces régimes totalitaires, par exemple au XXe siècle, l'exemple du nazisme ou du stalinisme, et qui, de manière intéressante, si on commence à voir à analyser cette société, ce phénomène historique de cette manière, on tombe sur le fait qu'effectivement les outils de communication qui étaient utilisés à ces périodes étaient déjà des outils assez extrêmes, assez élaborés, et qui ont été mis largement à contribution par ces régimes pour assurer cette hypersynchronisation des esprits sur des contenus extrêmement stéréotypés, appauvris, partagés, et qui faisaient perdre les différences. Et de manière, et ces communications, c'est à la fois des communications médiatiques, l'usage de la radio, de la propagande, de la presse écrite, des cinémas, etc., mais avec une transmission verticale qui s'imposait un petit peu aux individus. La circulation aussi, parce qu'il y a la dimension spatiale aussi. Exactement, c'est que l'aspect spatial, je ne pense pas que ce soit un hasard que la Volkswagen, qui revient aujourd'hui pour d'autres régions, la voiture du peuple, qui est un des symboles du nazisme, eh bien, c'était quand même la voiture qui, cette fois-ci, quittait l'élite, mais pouvait être la voiture du peuple, que chacun devait avoir sa voiture et se propager à grande vitesse pour relier les différentes villes du Reich, et sur ces autoroutes qui ont été le fruit du régime fasciste. C'est-à-dire l'autoroute née, donc ces voies de propagation, le développement du ferroviaire aussi, etc. Et même, peut-être, et ça j'ai beaucoup moins d'expertise pour le développer, mais c'est quelque chose que j'interroge, les lieux physiques aussi partagent de plus en plus de similarités, je veux dire. Vous pensez à l'architecture. Je pense à l'architecture, ouais, À son monumentalisme. Qui vous écrase aussi, quand vous le regardez du bas. Qui vous écrase comme individu, comme vous le voyez de bas, et qui est de plus en plus stéréotypé. Donc on a, en tout cas, il me semble qu'on peut lire ce phénomène historique comme, avec ces critères-là, comme ce à quoi correspondrait, selon ma grille de lecture, à une perte de conscience épileptique du monde, pas des individus, à la lumière de ses propriétés. Et il me semble très important de bien comprendre que quand je dis ça, ce n'est pas une médicalisation de la société. C'est-à-dire que ce n'est pas une façon de dire ah, bien voilà, en fait, c'est une société malade. C'est pas ça mon point. Le point, c'est d'essayer d'analyser les mécanismes. Les mécanismes de communication. Les mécanismes qui sont à l'origine de ce type de dysfonctionnement. Et j'insiste beaucoup sur quelque chose qui me semble une limite essentielle de l'analogie, mais qu'il faut bien avoir à l'esprit. C'est que je rappelle que l'analogie n'est pas l'identification. Donc, une société, c'est comme un cerveau. Mais il y a une différence fondamentale, c'est qu'une société, c'est composée d'individus, alors qu'un cerveau, c'est composé de neurones, et que les individus ont tous une conscience subjective individuelle, ce que n'ont pas les neurones. On peut en discuter, mais c'est assez établi, on pourrait dire. Et donc, de ce point de vue-là, on voit une des différences importantes qu'il faut toujours garder en tête dans cette analogie, c'est qu'une société inconsciente, pour moi, n'est pas une société qui est peuplée d'individus qui sont individuellement inconscients. Et c'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt de la chose. C'est qu'une société inconsciente est peuplée d'individus qui, quand ils sont éveillés, eh bien, ils ont une conscience de ce qui leur arrive. Autrement dit, il y a un point ici extrêmement intéressant d'analyse entre l'individu et le groupe, l'individu et le social, l'individu et la société, en termes de ses contenus de conscience. Autrement dit, pour le dire plus clairement encore, une société inconsciente, ce n'est pas une société de zombies. Ce n'est pas une société qui serait composée d'individus qui auraient eux-mêmes perdu conscience individuellement. Oui, et qui n'auraient pas tous la même identité en plus. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'on est devant une situation où il y a une partie, pour utiliser des disciplines connues et leurs méthodes, il y a une partie sociologique, et donc c'est le contenu du passage dans les réseaux, et puis il y a un contenu, évidemment, une dimension psychologique de la chose, donc c'est chaque individu singulier qui le reste, d'ailleurs. Hein. Mais ce que ça fait souligner, et pas du tout comme une métaphore médicale, encore une fois, mais comme une métaphore communicationnelle et aussi de conscience de soi, cette espèce d'assonance que d'un seul coup produisent des systèmes totalitaires, alors là, de façon très forte. Quoi. Ici, le système totalitaire m'a intéressé comme exemple pour tester un peu la valeur de cette analogie, essentiellement pour la mettre à l'épreuve, et puis surtout pour extraire un petit peu le type de symptômes qui pourraient être analysés. Alors, là où ça devient peut-être plus utile pour nous aujourd'hui, c'est, une fois qu'on a testé ça dans ces situations extrêmes, de voir, en revisitant le monde actuel, notre société contemporaine, et là, mon message est assez clair, c'est que je n'ai pas du tout un discours à l'emporte-pièce. Je ne suis pas en train de dire que nous vivons dans une crise d'épilepsie. Mais ce que je dis, c'est que nous vivons dans une société avec une architecture d'hyperconnexion physique et numérique très complexe, comme ça, ça n'a jamais été le cas auparavant, et que cette architecture extrêmement intéressante et très riche, très inédite, nous expose à la fois à ce que je veux appeler la pleine conscience, en tout cas un niveau de conscience sociale qu'on n'a jamais connu auparavant, et j'essaie de développer cette idée, ça me semble un point très important, mais dans le même temps, évidemment, cette structure, cette richesse de complexité, comme dans un cerveau, nous expose également à des pertes de conscience particulières qui seraient l'équivalent de l'épilepsie de la société. Autrement dit, c'est pas un jugement, ah, nous sommes dans une société extrêmement épileptique. Non, c'est une société qui a à la fois un potentiel de conscience, mais un potentiel d'épilepsie. Et tout l'arbitrage est d'essayer d'identifier dans ce qui nous arrive tous les jours, au niveau sociétal, ce qui peut relever de la conscience du monde ou de la perte de conscience du monde. Et d'ailleurs, dans un des paragraphes que vous intitulez justement Épilepsie ou pleine conscience contemporaine, où vous introduisez donc cette idée de pleine conscience contemporaine, vous remarquez d'un côté la marche aveugle et irremplaçable des échanges financiers mondialisés, destruction massive d'écosystèmes, disparition progressive de nombreuses langues et civilisations. Absolument. Donc là, il y a des pertes de singularité, extension uniforme d'un format culturel mondialisé. Là encore, on est sur la plage la plage épileptique des voyageurs immobiles, le règne du politiquement correct, la restriction insidieuse de la liberté d'expression. Et puis, de l'autre côté, et c'est exactement la page qui est en regard, vous parlez du potentiel de conscience macroscopique des sociétés, en particulier occidentales. Elles disposent d'une capacité réelle à produire un discours critique et distancié face à leurs propres actions, en particulier, et à se regrouper différemment. Absolument, et je pense que si on ne prend pas en compte ces deux facette de l'analogie, l'analogie perd de son intérêt, c'est juste une sorte d'arme de combat parce qu'on a une vision du monde qu'on veut défendre. Et que par exemple, c'est vrai que dans les structures de communication, le fait qu'on voit se développer, qu'on ait vu se développer, moi j'ai 46 ans, quand j'étais enfant, il n'y avait pas Internet, évidemment, le téléphone ça existait, mais disons que c'était pas le téléphone portable, etc. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que pendant longtemps, on a vécu dans des sociétés dans lesquelles l'individu était bombardé d'informations qui étaient ce qui suivait une sorte de hiérarchie top-down, en fait, du haut vers le bas, qui était unidirectionnelle. Vous receviez des informations, vous pouviez en parler à vos amis, à vos voisins, à votre famille, mais vous n'aviez pas une capacité de retour sur l'information très riche. Et aujourd'hui, au contraire, on voit de plus en plus de moyens d'avoir des circuits non pas unidirectionnels, mais des circuits en boucle qui permettent à chaque individu de pouvoir, en tout cas, avoir la potentialité de non seulement métaboliser l'information qu'il reçoit, mais la répercuter, la transformer, l'interpréter et faire usage de ces messages vers d'autres groupes, d'autres réseaux. Et donc, on a une capacité à avoir une circulation d'informations autrement plus complexe qu'avant. Et ça, c'est pour le meilleur et pour le pire, je dirais. Mais c'est une singularité d'aujourd'hui. Alors, on peut, si vous le voulez bien, Lionel Lacage, revenir sur une société humaine qui perd conscience. Et aussi, donc, pour continuer à instruire notre analogie, vous dites que cette situation de société humaine contemporaine hyperconnectée et mondialisée, là encore, c'est pour faire fonctionner l'analogie, est un peu l'analogon de la crise d'épilepsie, une société humaine, donc, qui perd conscience, peut perdre sa conscience. Absolument, c'est-à-dire que dès lors qu'on réfléchit à la conscience de l'individu et que la conscience d'un individu, une fois de plus, un individu qui perd conscience, un individu qui peut rester, avoir un tonus musculaire, être debout, être réveillé, agir, donc avoir des actions, mais qu'il perd ce qu'on appelle la rapportabilité, une sorte de néologisme, la capacité à se rapporter ses propres états mentaux. Très joli concept d'ailleurs. Oui, qui en fait, je pense d'ailleurs que dans cette dimension réflexive de la conscience, si on creuse vraiment, bien en fait souvent, c'est un point qui me semble important, toute conscience a abouti à une forme de réflexivité. Ensuite, on peut la rendre plus ou moins complexe, mais être conscient, ça revient souvent à un aspect réflexif, c'est être capable de saisir des choses qui nous arrivent, subjectivement. Je suis en train de percevoir ou de faire, etc. Eh bien, si on se bascule vers ce macrocosme un peu de la société, on dirait alors qu'une société qui est éveillée mais inconsciente, c'est une société qui continue à avoir ses actions, et c'est pour ça que vous donniez des exemples de symptômes négatifs, là, d'un système financier complètement dérégulé, d'une destruction des écologies, des écosystèmes, etc. C'était vos exemples. Oui, ce sont, mais justement, en boucle, je l'ai fait recirculer par votre bouche, mais en fait, de se dire qu'une société éveillée mais inconsciente, c'est une société qui continuerait à agir, mais qui perdrait la capacité à élaborer un discours critique sur ses propres agissements, sur ses propres. Alors voilà, de ce point de vue-là, on voit que la situation d'aujourd'hui, c'est pas une situation à l'emporte porte-pièce, mais c'est une situation qui peut isoler certains symptômes. Certains symptômes qui nous disent on est plus proche ici de l'épilepsie ou plus proche de la conscience du monde. Aveugle à ses propres actions qui demeuraient dépourvues de tout sens critique sur elle-même, donc aussi dépourvues de toute alternative stratégique. Oui, parce que quand vous prenez conscience de ce qui vous arrive, vous pouvez essayer d'inventer un autre possible. Et si vous perdez cette conscience, et en fait il faut le rappeler, au niveau d'une société, cette capacité à prendre conscience de ce qui nous arrive, c'est en gros ce qu'on appelle les outils d'une démocratie saine. C'est-à-dire d'avoir une séparation des pouvoirs, d'avoir une indépendance des médias, d'avoir une liberté de parole et de pensée, d'avoir une capacité à reformuler les choses, à formuler d'autres alternatives. Et tout ça, c'est ça ce qu'on entend, en tout cas ce que j'entends. Et une fois de plus, je tiens à le dire, ce livre, ce n'est pas une sorte de manuel idéologique. Je tombe sur cette plage avec cette analogie, je tire le fil et j'essaye d'exposer de manière rationnelle ce qui se passe et on arrive à ce type de résultat. Mais alors si j'élargis le cadre, oui. Prenons le prétexte, faisons fonctionner l'analogie là encore, prenons le prétexte de cette situation donc que nous vivons, d'abord la dimension tragique du cadre, nous sommes sur une planète finie, qui montre des symptômes pathologiques. Là, je garde évidemment un adjectif d'origine médicale, hein, mais acidification des océans. Enfin, on va pas continuer la litanie, mais j'en prends qu'un seul. L'acidification des océans, ce qui veut dire qu'à partir du zooplancton, toute la chaîne trophique et la chaîne alimentaire va disparaître. Et on voit que certains thons se sont vendus, par exemple, quelques millions de dollars des thons rouges au Japon. Hein, donc, c'est la perte évidemment des grandes espèces. Donc on est dans une situation et un système fermé, oui. Clos, fini. Le qualificatif de fini est important et qui d'un seul coup permet évidemment d'imaginer une catastrophe. Et puis une réaction avec cette entente difficile. On est en train de, on fait cette émission qu'on va dater donc en pleine COP21, avec donc la possibilité d'un nombre très important d'États d'essayer de s'entendre pour calmer les choses. Qu'est-ce qu'on voit? Alors là, si on prend votre crible analogique, parce qu'il y a aussi, bien sûr, en appendice, même s'ils ont été quelque peu embêtés pour leur expression, on a les deux choses, c'est-à-dire que on voit que, d'une certaine manière, avec beaucoup de réticence, les épileptiques, pour faire vite et pour utiliser cette métaphore qui s'appelle la finance internationale, hein, qui s'appelle les pétroliers, qui s'appelle les constructeurs automobiles, ont une mainmise absolument considérable et veulent continuer à faire l'extraction du charbon. Et puis de l'autre côté, alors là, cette communication qui se fait de groupe à groupe, où d'un seul coup, on voit, et de façon extraordinairement surprenante, des Indiens d'Amérique du Sud qui ont une conscience internationale et de l'interconnexion et du fait que c'est un système, que le système Terre ou le système Gaïa, et qui, là, sont à l'unisson, et eux, ce ne sont pas des voyageurs immobiles. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites qui sont intéressantes, mais il y a une première qui me gêne un tout petit peu, cette analogie ne sert pas du tout à stigmatiser. Autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous dites il y a les épileptiques de la finance, au contraire, ce que j'essaie de développer, ce qui est épileptique, c'est le fonctionnement du système. Oui, pardon. C'est pas un acteur. Vous avez raison. Et que c'est important parce que à aucun moment, et c'est pas du politiquement correct, mais à aucun moment, quand on identifie quelque chose qui nous paraît épileptique dans la société, ce n'est pas au nom d'un argument moral ou qui se focalise sur un individu. C'est un type de fonctionnement du système. Et autrement dit, c'est important parce que sinon, de manière indirecte, on pourrait imaginer une sorte de stigmatisation des patients épileptiques, des vrais malades épileptiques, qui seraient assimilés. Et c'est évidemment pas du tout mon propos et je l'explique. Et non, c'est pour ça que c'est important de mentionner ça. Donc, ce que je crois, c'est que vous prenez cet exemple, dont je ne suis pas expert, mais qui nous concerne tous comme citoyens, de la transformation écologique extrêmement grave actuellement qui nous occupe dans ce système fermé. Voilà. Première étape, eh bien, il faut d'abord soit agir en prenant conscience. Et prendre conscience, je pense que la COP21, parmi beaucoup d'autres exemples de choses, ça participe de cette conscience sociétale, c'est-à-dire une société qui a conscience des conséquences de ses propres agissements et être capable de se rendre compte en quoi certains de ses agissements sont critiquables à ses propres yeux. Et de ce point de vue-là, c'est plutôt à tout prendre quelque chose de positif sous l'angle de ma grille de lecture. C'est cet individu social qu'est notre société a de plus en plus conscience d'un aspect de son comportement. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, d'arriver à déterminer la bonne solution, eh bien, je pense que cet arbitrage entre plein de nations, plein d'acteurs, etc., elle est, et là aussi c'est le débat de la démocratie ou d'une sorte de méga-démocratie, c'est cet aspect-là qui est extrêmement important, parce qu'un acteur tout seul ne trouvera jamais, parce qu'un acteur a toujours aussi des motifs d'intérêt, il y a des choses qui vont vous motiver ou qui ne vont pas motiver quelqu'un d'autre, et pour des raisons qui sont toutes respectables du point de vue qui est le vôtre à chaque instant. Autrement dit, voilà, mon analogie, elle n'est pas là pour expliquer l'ensemble de l'univers, mais sur les modalités de fonctionnement d'un réseau social, elle peut nous éclairer un petit peu. Voilà, c'est là-dessus. Donc je trouve, face à l'exemple que vous donniez, la seule chose que je puisse dire, c'est que le fait qu'il y ait des signes de prise de conscience des conséquences de nos actions sur la dimension écologique, par exemple, eh bien, ça participe plutôt de la pleine conscience. Donc d'une capacité à se rendre compte qu'il va falloir corriger, changer, modifier nos stratégies d'action pour éviter ces problèmes-là. Voilà. Alors, sans utiliser le concept durkheimien d'anomie, on peut prendre d'autres exemples, et en particulier sur lesquels vous finissez, où vous essayez, évidemment, parce que c'est une sorte d'invite aussi, cette analogie que vous proposez, à des études particulières qui sont menées par des disciplines particulières. Mais prenons par exemple le renouveau du religieux. Et là, à un moment, vous avez une proposition, en particulier si vous tournez vers l'islam, vous dites que par rapport à ceux qui alors sont complètement fous, qui sont, on ne sait même pas comment les nommer, et qui sont en tout cas des criminels absolument avérés, que les instances qui religieuses responsables donc sont évidemment questionnées et plus que questionnées par le comportement d'une minorité folle, devrait poser des actes d'excommunication généralisée, par exemple. Oui, alors je peux commenter absolument, c'est une des propositions que je fais, que je tire de cette analogie. Alors, le premier point pour y arriver, c'est simplement de commencer par... On prend l'exemple du terrorisme d'inspiration religieuse, que malheureusement nous vivons, ont vécu récemment à Paris, mais ailleurs dans le monde, etc. Là, avec ma grille de lecture, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que lorsqu'un criminel commet un acte pareil, son agissement va pouvoir donner lieu dans les réseaux sociaux, les réseaux sociétaux, à deux types de vagues qui sont pour moi des vagues entre guillemets épileptiques. Ça veut dire quoi épileptique ? Ça veut dire des vagues dans lesquelles il y aurait hypercommunication entre des esprits sur des contenus très stéréotypés, très pauvres, et avec une perte de différenciation entre les acteurs. Et ces deux vagues, c'est quoi ? Là, je n'invente rien. C'est la vague de l'émulation, que d'autres gens se disent on va faire la même chose au nom de la même raison. Et puis, vague beaucoup plus dangereuse d'après moi et dont on voit déjà les conséquences, c'est la vague qu'on peut appeler celle de l'amalgame. C'est-à-dire que tous les gens qui se sentent extérieurs à une communauté religieuse ou idéologique qui est utilisée pour commettre quelque chose, se disent, eh bien, on va développer une animosité contre l'ensemble de cette classe. Et donc, face à ces deux vagues sociétales très réduites et très pauvres, toutes les deux, je pense qu'une des mesures, c'est la mesure qui m'a paru peut-être trop naïve, mais qui me semble pas absolument stupide, c'est que si on prend l'exemple du terrorisme religieux d'inspiration islamiste, mais ça pourrait être la même chose pour des juifs, pour des catholiques, pour des protestants, pour autre chose que des groupes religieux d'ailleurs, eh bien que les personnes qui sont visées malheureusement par l'acte qui est commis par un terroriste qui va vouloir englober avec toute la masse d'une religion, eh bien que les institutions, les acteurs, non seulement évidemment tout le monde le dit, nous n'avons rien à voir avec ça, mais en fait leur expriment le fait qu'ils n'appartiennent pas à la même communauté, et il y a des armes théologiques pour ça probablement, par exemple dans la religion chrétienne il y a l'excommunication, dans le judaïsme il y a le Kherem, qui veut dire en fait une mise au ban, et j'imagine, sans connaître l'islam, qu'il doit y avoir des mesures similaires. Je crois d'ailleurs qu'en Inde, il y avait un groupe de regroupant plusieurs imams qui avait, je crois, procédé à une mesure équivalente, dont je ne connais pas le terme, évidemment, je ne parle pas l'arabe, mais qui avait prononcé un acte de même nature qui vise à faire que ces individus soient mis au banc de leur propre communauté par leur propre co-religionnaire. Et d'une certaine façon, c'est à la fois triste parce qu'on peut très bien comprendre le fait de se sentir sali par le fait de devoir dire quelque chose au nom d'un attribut qui est le nôtre, mais avec lequel nous pensons que nous n'avons rien de commun avec les gens qui l'ont fait. Mais je crois que parfois il y a des situations, vous voyez, je pense parfois à René Char, voilà, le poète et résistant René Char, et j'avais entendu une fois une citation de lui qui m'avait marqué, dont je me souviens plus fidèlement, mais qui revenait sur cette idée qu'en fait le plus terrible dans la guerre, c'est que vous devez choisir un camp. C'est-à-dire que vous allez, la guerre vous commet en fait à devoir dire avec qui vous n'êtes pas, avec qui vous êtes. Et quand vous faites ça, choisir un camp, c'est jamais simple, c'est jamais sympathique parce que vous allez retrouver avec des gens avec qui vous n'avez rien d'autre à faire que d'être contre quelque chose. Mais je pense qu'il y a prévenir ces vagues épileptiques sociétales, c'est une des façons de limiter ces problèmes-là. Alors à l'inverse, c'est pour rester sur un point positif et qui ressemble là à une sorte de connexion ultra rapide de manière neuronale, c'est Je suis Charlie. Où là, il y a une propagation tout à fait étonnante de quelque chose qu'un individu a inventé et qui d'un seul coup a fait rhizome. Exactement, de Joachim Ronsin, qui, mais juste pour prendre un exemple parmi mille, mais qui était particulièrement intéressant à étudier, où vous avez en fait un message qui est inventé pour un objectif très particulier, parler à son enfant qui est un enfant de ce qui a pu se passer, et quand il le livre grâce aux réseaux sociaux et aux outils numériques, cet aspect un peu viral va pouvoir être récupéré par plein d'autres gens qui vont chacun pouvoir l'interpréter différemment. Et le « Je suis Charlie » pour quelqu'un, ça va être plutôt une parole à la Kennedy, une parole pour défendre Cohn-Bendit ou n'importe quoi en 68. Donc autrement dit, chacun va pouvoir, à sa sauce, le faire résonner, le transformer. Et je n'érige pas ça en statut, le « Je suis Charlie », mais simplement de dire que c'est un très bon exemple pour nous, parisiens notamment, et français, de voir comment par ces outils de communication complexes, on peut arriver à donner lieu à partir d'une initiative individuelle à un contenu mental qui va utiliser ces réseaux, mais pour quelque chose d'assez riche, qui se veut différencié, complexe. Invasif positivement aussi, comme ça fera... On pourrait dire. D'une certaine manière, invasif positivement. Mille merci d'être venu à ce rendez-vous. Merci beaucoup. Lionel Nakache, titre du livre « L'homme, réseau tyrannable », sous-titre « Du microcosme cérébral au macrocosme cérébral », au macrocosme social, pardon. Le tout publié aux éditions Odile Jacob. Je ne peux que le recommander, vous y apprendrez beaucoup de neurobiologie et vous pourrez tester vous-même après les avoir lus donc ces tentatives d'analogie et d'interprétation. C'était Continent Science. Merci bien sûr de votre attention et de votre fidélité. Vos remarques restent toujours... les bienvenus, ainsi que vos critiques. Aujourd'hui, à la technique, Marie Jaworski, pour la documentation, Thierry Beauchamp, à la réalisation, Dany Journeau, Stéphane Delis-Georges. Continent Science et balado diffusé. Si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, vous avez la possibilité de nous télécharger le temps d'une grande année, de l'écouter pendant 1000 jours.